La France a un patrimoine unique lorsqu'il s'agit de fromage. Nous avons plus de 1200 variétés différentes, tout aussi exceptionnelles les unes que les autres. Mon nom est Vincent Verne, je suis fromager affineur dans la ville de Nîmes. Élu meilleur ouvrier de France en 2019, je me suis donné comme mission de vous faire découvrir mon univers. Aujourd'hui, nous partons à Saint-Bénézé, au Mas des Courmes, à la rencontre de Mathieu Rio. Il est producteur de Pélardon, un petit fromage de chèvre AOP, un véritable trésor. Salut Vincent. Hey, salut, comment vas-tu? Et toi? Super. Bienvenue au Mas de la Courme. Écoute, ça va impeccable. Ça fait plaisir d'arriver. Voilà, donc là, on vient de mettre à cahier la traite d'hier soir et de ce matin. Donc, comme tu sais, le Pélardon, c'est un cahier lactique. Eh oui. Donc, on a rajouté la présure. On avait mis le petit lait, le lactosérum hier soir dans la traite du soir. Et là, on vient de rajouter la présure. Et on va les oublier pendant 24 heures, le temps que le cahier se fasse. Une fois le lait caillé, tout l'art de Mathieu va opérer. Et c'est ce que j'aime chez lui. On moule à la louche comme ça. Et après, on utilise un répartiteur. Donc, ce qui est important, c'est de verser délicatement le cahier. Pour pas le casser. Pour pas le briser. Exactement. Parce que si on le casse, forcément, on égoutte plus. C'est ça. Et on va baisser son rendement. C'est ça. Ça, c'est les fromages que tu as déboulés sur terre. C'est ce qu'on vient de démouler. Donc, c'est la fabrication d'hier. D'accord. Tu as déjà salé? On les a salés, voilà. On va avoir une heure après le moulage, on va déjà faire un premier retournement pour favoriser l'égouttage au maximum, pour après, au niveau affinage, être modéré au niveau séchage. Et comme c'est ce qui nous permet d'avoir un fromage bien crémeux. On ne le sèche pas trop, mais pour arriver à pas trop le sécher sans que ça coule au niveau affinage, il faut qu'on ait un ressuyage hyper optimum. Le soir, on va faire le deuxième retournement et là, on va faire le premier salage. Et après, le lendemain matin, donc au bout de 24 heures, on le démoule. On le met sur grille, comme ici, et on sale la deuxième face. Voilà. Okay. Ils vont rester ici 2 jours à peu près que le croûtage démarre bien. Mm-hmm. Donc là, on a le jour 1 et là, le jour 2. Deux. Tu vois la différence? Là, le croûtage, il commence à démarrer. Et après, on va les passer au séchoir pour après les rentrer en affinage. Voilà. Donc là, dans cette pièce, on va sécher les fromages pour essayer d'enlever un maximum d'humidité. L'odeur de fermentation, elle est géniale. Bon, là, on voit, on est vraiment dans le stade, vraiment affinage où tu as le croûtage qui a bien démarré. Ça sent la pomme. Faut arriver à être modéré pour après le passer en affinage pour qu'il y ait un fromage crémeux. Crémeux, mais qui se tienne dans la durée. Que ça coule pas, ça part pas en crème complètement liquide. Chez Mathieu, il faut être un initié pour obtenir son Pélardon, car il n'y en a pas pour tout le monde. Dis-moi Mathieu, cette année tu peux me donner le Pélardon? Ça va être comme d'habitude, hein, nous la production elle n'a pas augmenté et ça sera comme l'année dernière. Tu sais, avec le Pélardon, avec le cahier des charges qu'on a, c'est compliqué de produire plus. Parce que voilà, c'est des règles, le moulage à la louche, le pâturage des animaux, c'est des règles qui permettent de limiter le développement des exploitations, qui est pas de grosses exploitations. Et le Pélardon, c'est ce qui fait sa rareté. Je vais te faire visiter notre nouvelle salle de traite. Magnifique, hein. Et dis-moi, tu fais combien de traites par jour? Et nous, du coup, on traite matin et soir, 2 traites par jour. Donc le matin, on attaque à 6h30 et on retraite le soir à 18h. Après, par contre, on va au niveau fabrication, comme tu as vu tout à l'heure, on fabrique qu'une fois par jour. Mm-hmm. Donc on va stocker la traite du soir. Oui. On va déjà mettre les ferments, le petit lait. Le lait va déjà s'acidifier, va commencer à maturer, on va faire une maturation froide. Et le lendemain matin, on va mélanger notre traite du matin et on va faire cailler ce mélange des 2 traites. Ah, donc 2 traites par jour, mais une seule fabrication. Les chèvres, on les fait pâturer dans les bois, dans les prairies qu'on a tout autour là de l'exploitation. Non, droite. D'accord, ouais, parce que c'est une spécificité particulière du cahier des charges. Une des contraintes du cahier des charges de l'AOP Pélardon, les chèvres doivent pâturer au minimum 210 jours par an. Sur les bois ou les prairies de la Pélardon. Ce qui est génial, c'est que forcément, la végétation est différente selon l'endroit où il y a les exploitations. Et du coup, il y a des goûts complètement différents dans le Pélardon. C'est ça. On avait fait une étude, on avait mené une étude avec le syndicat et le pôle AOC Massif Central. Et on avait démontré que dans les herbes fraîches, les arbustes qui sont pâturés par les chèvres, il y a des terpènes qui est un composé aromatique. Et ce composé aromatique, on va le retrouver au niveau du lait, au niveau du fromage. Pour le Pélardon, il ne faut pas n'importe quelle chèvre, seulement les races Saanen, Alpine et Robe. Mathieu doit gérer au mieux son cheptel. C'est lui-même qui élève ses petits chevreaux. Pour moi, il est temps de récupérer une caissette. 12 Pélardons seulement. Mais quel trésor! Retour sur Nîmes, dans mes caves d'affinage. Je vais vous faire découvrir comment je transforme cette merveille en fromage d'exception. Les Pélardons qu'on a récupérés chez Mathieu, ils arrivent ici, dans la cave à chèvres. C'est là où la magie opère, puisque c'est là qu'on va faire vieillir ce fameux pélardon. Donc, on va faire différents retournements au fur et à mesure des semaines pour développer des goûts. C'est ça le secret de l'affinage, c'est la maîtrise des goûts. On va commencer d'abord par un pélardon jeune, qui va être plutôt un goût noisette, puis petit à petit, le faire vieillir pour qu'il devienne un peu plus sec, encore un petit peu plus sec, et au final, on va avoir différentes palettes aromatiques. Ici, avec un pélardon de 11 jours, ici, un pélardon de 21 jours, puis après 2-3 semaines, de 1 mois et de 2 mois et demi, où on voit qu'ils sont complètement bleutés. L'idée, c'est de partir d'un côté noisette tendre et croquant pour arriver sur un pélardon sec et cassant, excellent, avec un miel de châtaigne. Les pélardons sont des denrées rares. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, c'est le cahier des charges est difficile et donc c'est une toute petite production. Le pélardon, c'est un fromage d'exception et notamment ici en cave, c'est là qu'on est là pour les sublimer pour votre plus grand plaisir. Allez, maintenant qu'on a vu comment on affine un pélardon, maintenant place à la dégustation. Je vous ai sorti 3 pélardons des caves. Ici, un pélardon de 11 jours, un pélardon de 21 et un pélardon de 2 mois et demi. Ce qui est intéressant, c'est la différence des goûts. Ici, on va avoir un pélardon plutôt sur le côté facile à manger, crémeux, léger. Ici, un côté noiseté un petit peu plus prononcé pour finir enfin sur des notes plus racées, plus fondantes, mais toujours ce petit goût noisette typique du pélardon. Pour l'accompagner, un bon vin blanc des Cévennes, chardonnay. Et enfin, pour le pélardon sec, pour ceux qui aiment adoucir le côté racé du pélardon, un miel de garrigue. Ici, pour l'apéro, un petit baron des Cévennes. C'est un porc élevé en Cévennes, nourri au gland et à la châtaigne. Et avec le pélardon et ses bons produits, on va passer un super apéro.